You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD in Minneapolis and on the web at KFAI.org, Radio Without Boundaries. Stay tuned for Bonjour, Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, Minnesota. It's Adrian, and it's a pleasure to take over the airwaves today on KFAI to transport you to the famous town of Saint-Tropez in the south of France. Saint-Tropez is a symbol of sexual revolution in the 60s, rock and roll, and vacation on the beach. First, let's talk rock and roll. My dad founded Radio Saint-Tropez in 1981 and knew Dick Rivers, one of the most popular showmen of Saint-Tropez. Pour moi, le meilleur moment de cette époque-là à Radio Saint-Tropez, c'était le soir de l'inauguration avec Dick Rivers. Dick Rivers, c'était un homme exceptionnel, niçois d'origine, et qui avait, rappelez-vous, chanté Twist à Saint-Tropez. Et il a bien voulu accepter d'être le parrain de Radio Saint-Tropez. Et ce soir-là, il a chanté Twist à Saint-Tropez. Et c'était un moment merveilleux parce que c'était un homme très bon, très très gentil et qui vraiment jouait le jeu à 100%. In this segment, Adrian's dad is saying, for me, the best time of this era was the night of the grand opening of Radio Saint-Tropez with Dick Rivers. Dick Rivers was a great man, originally from Nice, and the one who sang Twist à Saint-Tropez. And he very nicely agreed to become the godfather of Radio Saint-Tropez. And that night he sang Twist à Saint-Tropez, and it was a wonderful time because he was 100% man. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont toujours appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages. Plus tard, ils iront danser. Avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone,

questionne. Faudra-t-on leur donne, une excuse valable, et Zutop et tout, on s'en fout, voler fermé. Je ne pense qu'à t'aimer, c'est pas sérieux, mon amour. Ce qui est sérieux, mon amour, c'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie. We just listened to Dick Rivers with Twist à Saint-Tropez, Au bonheur des dames with Oh les filles, and two more songs of Dick Rivers, C'est pas sérieux and Est-ce que tu le sais? Now, we cannot talk of Saint-Tropez without talking about the icon, seductress and amazing figure that everybody wanted to see, as you know, it is Brigitte Bardot. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Bardot became synonymous with the town after she helped put it on the map in a breakthrough role in the semi-naked seductress in 1956 film And God Created Woman. The film was shot in Saint-Tropez, where it was still a bohemian fisherman village. Jolie comme tu es, c'est normal. Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. Bye.

manger les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne. You are listening to Fresh Air 90.3 KFAI here in Minneapolis, KFAI.org worldwide, and we are going to skip to hour two of Bonjour Minnesota because it is the top of the hour. It is 9 o'clock. So do you get tired of never-ending hagglers at your garage sale? Excuse me, you've got this marked at 15 cents. Will you take 12 and a half? Well, when you host your garage sale through the KFAI Garage Sale Tour, you'll have the perfect reason to stick to your guns. These bowling shoes aren't my size, so I should get a discount. Sign up to be part of the KFAI Garage Sale Tour. KFAI will promote your garage sale, and you donate part of the proceeds. It's a great way to clean out the garage and support KFAI. Hey, there's a scratch on this football helmet. Just go to kfai.org/garage sale for more details and to sign up. I'm looking for some cheap skates. Have you tried this mirror? Here's another song from Brigitte Bardot with Harley Davidson, then Serge Gainsbourg with Brigitte Bardot, with Bonnie and Clyde, and Initials BB. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Je me sens à feu et

impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot Almeria. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. This was Brigitte Bardot with Nuit au Soleil, Moi Je Joue, Harley Davidson and La Madrague. That was the place where she lived, as well as Serge Gainsbourg with two songs, Bonnie and Clyde. And the last song that we listened to was Initials BB for Brigitte Bardot. Now, as I told you earlier, Brigitte Bardot, the only way to see her was to go to a nightclub. It was the best way, and that nightclub, very famous, was Le Papagayo. So I decided to talk to my dad and learn a little bit more what it felt to go there and what was really happening there. Let's listen. Le Papagayo, c'était une institution et c'est toujours une institution à Saint-Tropez. Ça a été repris par les petits-enfants, mais c'était à l'époque un événement, tout simplement. Elton John a joué sur le piano blanc de ce restaurant, et puis également les plus grands. Claude François aussi venait chez les Malortigues, au Papagayo, sur le port de Saint-Tropez. Et en 1962, les deux frères, Doudou et Frangy, donc créent le Papagayo et sa bodega. Alors tout de suite, c'était un succès exceptionnel. Sur la piste du club se produisent tout de suite les futurs stars de la chanson française. Tous ceux dont vous entendez parler, que vous connaissez aujourd'hui, se sont produits obligatoirement au Papagayo. Et les souvenirs de l'été tropézien de Claude François ont inspiré, rappelez-vous, cette fameuse chanson, c'était l'année 62, cette année-là, rappelez-vous, je chantais pour la première fois, le public ne me connaissait pas, quelle année cette année-là, plus j'y pense et moins j'oublie, moi aussi plus j'y pense et moins j'oublie, ça me fait vraiment plaisir de partager tous ces moments avec vous. Enfin, quelques années plus tard, Frangie Malortigue ajoute un petit club pour les privilégiés qui s'appelait le club des Allongés, où l'on pouvait tout simplement boire un verre en musique installé dans des banquettes confortables jusqu'au bout de la nuit. Hein. Ça fonctionnait vraiment 24 heures sur 24. Et puis bien sûr sur la terrasse, encore aujourd'hui, c'est la plus belle vue qu'on puisse avoir sur le port, le village et le clocher de Saint-Tropez. Et toutes les célébrités de la nouvelle vague intellectuelle et artistique se sont donné rendez-vous. Et aujourd'hui, on peut bien sûr toujours croiser des personnes intéressantes du milieu des arts et de la musique. Mais à l'époque, c'était toute la bande de Salut les copains, bien sûr, qu'on retrouvait sur cette terrasse. The Papagayo was a landmark at the time and still is for Saint-Tropez. Now the grandchildren took over, but at the time it was a big deal. Elton John has played on the white piano, and the greatest, like Claude François, also came over. It's in 1962 that the two brothers on the pier of Saint-Tropez created the Papagayo and its bodega. It was a success right away. All famous performers went through it, including Claude François, and it inspired him the song Cette année-là, this year. Later, they added a private lounge, and really, the club was open 24/7. The patio today still has the best views to the port of Saint-Tropez. And all artists and intellectuals of the time, and still today, were meeting and are meeting at the Papagayo. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, kfai.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. The first song is going to be from Claude François with Cette année-là, this year. Then Johnny Hallyday with Viens danser le twist, or Let's twist again. And Dalida with Monday, Tuesday, Laissez-moi danser. C'était hier, mais Jusqu'au We just listened to three songs. We listened to Clo Clo, Cette Année-là, which was a song about 1962 when he spent the summer in Saint-Tropez. Then we listened to Johnny Hallyday, Viens danser le twist. Johnny was always in Saint-Tropez. He really liked spending time at Eddie Barclay's house, and dated at the time was with Sylvie Vartan. So he spent a lot of summers in Saint-Tropez. And finally, Dalida, Laissez-moi danser. Dalida was Egyptian, and she was also actually promoted by Eddie Barclay, a French producer that was huge in Saint-Tropez. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting An Evening with Doolin, Monday, August 4th. An Irish band from France? That's Doolin. A six-piece combo that plays original and traditional Celtic, flavored with French chanson, American roots, and Parisian street hip-hop? That's Doolin. Touring on their latest release, Circus Boy? That's Doolin. Irish music with a French touch? No fooling. That's Doolin. More information for An Evening with Doolin at the Cedar is available at thecedar.org. So now let's talk about Eddie Barclay. Eddie Barclay was a French producer. His real name was Edouard Ruault and was born in 1921. He was a French music producer whose singers included Jacques Brel, Dalida, and Charles Aznavour. He was in love with Saint-Tropez. Coming originally from Boulogne-Billancourt near Paris, he decided very early to jump on the new wave and build a house out there and welcome a lot of stars. So of course, Eddie Barclay was really successful. He started with Django Hot Club, was a musician himself, very accomplished. But when he became a producer, he wanted to really promote that scene. And it was like summer camp at his house. He invited everyone, Johnny Hallyday. He had a beautiful house on the coast in Saint-Tropez, and even a famous movie was shot on the property that is called La Piscine, or the swimming pool in English, including Alain Delon and also Romy Schneider, who both starred in that movie. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. In that spirit of vacation and summer, we're going to listen to a few songs on the theme of sexual revolution. The first one we're going to listen to is Itsy Bitsy Petit Bikini, and then we'll listen to Zoubi Zoubi Zou. To go to Dario Moreno with Brigitte Bardot, of course, iconic song on Brigitte Bardot, and Peppino Di Capri with Saint-Tropez Twist. Du mois à deux, quand tu m'embrasses.

toi toutes les secondes, chaque moment le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi bébé qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot. À Saint-Tropez, la lune s'y destacó en terre. E va la twist, contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist, sta impazzendo. Sogna, vuol tornare. Una lunga notte ancora mai più scordare a Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. La gente si chiede perché tu balli il twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli il twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Don't we feel a little bit like we're in Saint-Tropez now? We just listened to Itsy Bitsy Petit Bikini, and then Gillian Hills with Zoubi Zoubi Zou. Dario Moreno with La Fiesta, it was Brigitte Bardot, the title of the song, and then Pepino Di Capri, Twist à Saint-Tropez. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. As regard to the upcoming events, feel free to go on our Facebook page for Bonjour Minnesota and look at the events. And we typically save as the events that are interesting or connected to the French community. Bonjour, venez nous joindre pour le 11e anniversaire de l'Euro Africa Festival qui se tiendra le dimanche 3 août 2025 à Hemline Park à Saint-Paul, Minnesota, de midi à 21h. Venez avec vos familles, vos frères, vos amis. Il y aura de la musique africaine, de la cuisine africaine, de la culture africaine. Pour plus d'informations, visitez www.leutreafricafest.com. J'espère vous voir tous. Direction Saint-Tropez. Saint-Tropez should be called BBville or Saint Brigitte maybe. Brigitte Bardot is Saint-Tropez and the people come from everywhere to see her at her residence of La Madrague. But beyond this, beyond God-created woman from Vadim, who makes BB a sex symbol, there is also another movie. In 1964, The Troops of Saint-Tropez. Les gendarmes de Saint-Tropez. It's a famous French comedy with the actor Louis de Funès. Hilarious scenes

Nous avons reçu à la fois toutes les vedettes hein, de l'époque hein, qui passaient par Saint-Tropez. Jean-Michel Jarre, Jean-Marc Cérone, Mort Schumann. J'ai eu aussi Hervé Villard, Dick Rivers. Dick Rivers qui était le parrain de Radio Saint-Tropez, qui était un grand ami qui nous a malheureusement quittés assez récemment. Et puis Pierre Vassiliou, bien sûr Zanini aussi, ce fou de jazz exceptionnel qui venait nous rejoindre. Et puis de nombreux autres, hein, bien sûr, chaque soir, nous avions une émission pendant tout l'été sur cette terrasse. C'était le début de Radio Saint-Tropez. You just listened to my dad, Didier, who was a co-host on a radio show in Saint-Tropez called Radio Saint-Tropez in 1981. During this show, he went to the Papagayo and interviewed series of celebrities that were spending their vacation in the summers in Saint-Tropez, including Jean-Michel Jarre, Jean-Marc Cérone, Mort Schumann, Zanini, talking about jazz and the ambiance on the beach at the time. Now let's listen to some of their songs, transporting back to the summer of 1981 in Saint-Tropez. The first song is going to be from Les Surfeurs with L'été sera chaud, Summer Will Be Hot, then Jean-Michel Jarre with Fourth Rendezvous, then Cérone with Supernature, and Mort Schumann with Papa Tango Charlie. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening.

soleil. Le mari éblouit, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le sol. Just listen to François de Guay avec Le ciel, le soleil, la mer, puis Les Parisiennes, ce soir à Saint-Tropez, and Sous le soleil of Pascal Obispo. Now it is the time to go and say goodbye. We thank you so much for listening to this special show on Saint-Tropez. This is Adrien from Bonjour Minnesota, and we're going to say goodbye listening to Annie Philippe with Tout finit à Saint-Tropez. Everything ends in Saint-Tropez. Je croyais que tout commençait, je croyais que tout commençait au village des romances, au village des romances.